Ce jour-là, vers 11h du matin, Nicole ayant laissé échapper un verre de sa main, le verre, au lieu de tomber, resta suspendu dans l'air. Eux-mêmes, ils sentaient que la pesanteur manquait à leur corps. L'attraction lunaire l'emportait donc sur l'attraction terrestre. Dès lors, la chute vers la Lune commençait, presque insensible encore. Mais, peu à peu, la force attractive s'accroîtrait, la chute serait plus accentuée, le projectile, entraîné par le culot, présenterait son cône supérieur à la Terre et tomberait, avec une vitesse croissante, jusqu'à la surface du continent sélénite. Le but serait donc atteint. Maintenant, rien ne pouvait empêcher le succès de l'entreprise, et Nicole et Michel Ardan partagèrent la joie de Barbicane.